boys and girls, this is Rip and Roach. Et ce soir, c'est un pop and rock particulier puisqu'il sera consacré à Raskolnikov qui nous accorde une belle interview que nous allons saupoudrer de certains des titres de ce groupe franco-suisse. Franco-suisse espagnol, devrais-je dire. Ce soir, Pop & Rock reçoit les franco-suisses de Raskolnikov. On va d'abord faire un petit tour de table pour présenter les trois membres qui sont présents avec nous ce soir. On commence par Mathieu. Mathieu, tu te présentes. Après, tu passes le micro à Raimé et à Jérôme. Et on parlera également de l'absent. Pablo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Pablo. Allez, je passe le micro donc à Raskolnikov qui se présente pour RVR. Salut, bonsoir. Alors, moi c'est Mathieu, je suis au chant et à la basse. Et je viens de Reims, mais j'habite du côté de Constance depuis 8 ans maintenant. Et Raimé. Allô, bonsoir. Je m'appelle Raimé. Je viens de Cadiz et je fais partie de Raskolnikov depuis un an, plus ou moins, où j'ai joué de la guitare. Et aussi, tu étais ingénieur son sur le deuxième album. Tu as produit le deuxième album. Sound engineer, l'ingénieur de ton. Hello, alors moi c'est Jérôme, je suis le batteur du groupe, je suis arrivé dans le groupe en 2017 je crois, c'est ça ouais, bah, quand on a commencé en fait. Voilà, merci. Alors la deuxième question, c'est ce qui m'intéresse, c'est Raskolnikov, ok, comment vous êtes-vous rencontrés, comment a commencé Raskolnikov? Qui est-ce qui répond? Mathieu? Alors, j'explique, Mathieu va faire des traductions, et Jérôme vont faire des traductions pour Raimé, qui parle plus, enfin, plus l'anglais et l'allemand que le français. Donc, comment s'est constitué Raskolnikov? Tu peux nous raconter, Mathieu? Alors, on a été du côté de Genève depuis 2013. On avait un autre projet. Donc avec d'autres personnes, et on jouait déjà, donc en fait Jérôme et moi, on était déjà, et Pablo, on était déjà tous les trois avec une autre personne, et on avait déjà un autre projet, et ce projet s'est terminé fin 2017 et fin 2016, début 2017. Voilà. Et du coup, depuis 2015, j'avais commencé à écrire des chansons. Et j'ai fait écouter ça à Pablo et à Jérôme. Et ils m'ont dit, ouais, bah, allez, on part là-dessus. Qui est Pablo? Pablo ce soir. Ouais, non, Pablo n'est pas là. Il est en Espagne actuellement. Donc, Pablo est violoncelliste professionnel. Et donc il fait la guitare aussi, Raskolnikov depuis 2017, donc c'était le premier guitariste, et donc il a fait une petite pause d'un an, c'était de toute façon durant les années où on n'avait pas trop de concerts, on connaît à peu près cette période, et donc il est du côté de Madrid, il a des concerts et donc il n'a pas pu être là ce soir. Donc avec Jérôme et Pablo, on a commencé en février 2017 parce qu'on avait eu une proposition de copains lyonnais qui nous disaient on a trois concerts en Suisse romande, vous êtes du coin, est-ce que vous voulez jouer avec nous? Donc on s'était rencontrés à l'époque du côté de Genève. Et donc du coup ça a commencé comme ça, c'était un peu précipité comme ça, on a joué à La Chaux-de-Fonds, à Lausanne et à Genève, ça a été nos trois premiers concerts. On avait quand même 7 ou 8 morceaux, plus de 3 reprises, donc ça c'était des morceaux du premier EP qui est devenu le premier album, donc les 7 morceaux du premier album. Une belle transition puisqu'on va s'écouter un premier titre issu de ce premier album, ok? Allez, ça roule! Thank you.

donc Jaime, en fait, on a connu Jaime en jouant au Horse Club à Kreuzlingen, là où j'habite. Donc c'est à côté de Constance, c'est la partie suisse. Enfin, maintenant on dit, ça fait gueuler les Suisses allemands de Thurgovie quand on dit que Kreuzlingen est la banlieue de Constance, parce que Constance est en Allemagne. Et Kreuzlingen, c'est côté suisse, mais c'est une même ville qui est coupée par la frontière. Et je reviendrai là-dessus après. Entre 2020 et 2021, la ville a été coupée en deux, mais avec des barrières carrément, parce que tu pouvais pas passer en Allemagne ou tu pouvais pas passer en Suisse pendant le Covid. C'était complètement con. Et t'as des gens qui ont été séparés, parce que t'avais plein de potes ou même des couples qui vivaient de part et d'autre de la frontière et qui ont été séparés pendant plusieurs mois. C'était assez triste et c'était assez surréaliste, merci. On s'est éloigné un petit peu, pardon. Mais donc du coup, on a eu plusieurs... Pablo était pas mal pris avec le boulot. Et il y a donc justement Quentin, un copain de Jérôme, avec qui il avait d'autres projets, est venu remplacer Pablo pendant un an. Et puis après, justement, Jaime, qu'on avait connu au Horse Club, qui nous avait fait le son, un concert du Horse Club, nous a dit, mais ouais, c'est sympa ce que vous faites, si vous avez besoin d'un ingé son, un de ces quatre, vous n'hésitez pas. Et du coup, pour le deuxième album, c'est Jaime qui a mixé et masterisé le deuxième album. Et quand Quentin a voulu partir, on a demandé à Jaime, mais est-ce que tu serais intéressé pour reprendre la grade, quoi. Et puis Jaime a dit, I will answer in English because you know that my French is absolutely non-existent. But I will add that I didn't actually want to get in a band again. I played in bands for many years, and it was like, you know, the time was behind me in a way. But after a couple of gigs with these lovely people, I had so much fun that I actually decided to get in the band. So and I'm not like really regretting the decision, like only every once in a while, but mostly happy about the decision of joining the band. Donc là, Jaime disait justement, quand on lui a demandé, il disait ouais, non, je sais pas, j'étais pas prêt à reprendre la grade dans un groupe parce que j'avais plus trop envie de rejouer, mais vu que vous êtes assez taré pour moi, vous me plaisez pas mal, et puis le son que vous faites et me plaît beaucoup, allez, on repart là-dessus. Et puis il regarde pas une seconde, parce que justement, c'est beaucoup de plaisir, et donc à partir faire des concerts et à se remettre à composer. Donc là, justement, donc Jaime compose aussi beaucoup sur le troisième album qu'on est en train de faire au niveau des grattes. Et puis de toute façon, c'est aussi Jaime qui va mixer et masteriser, et pas de regret là-dessus. Décidément, Raskolnikov, vous êtes vraiment trop fort au niveau des transitions, puisqu'à présent, on va écouter un titre de votre second album, sorti en 2020, et qui correspond donc à l'arrivée de Jaime dans le groupe en tant qu'ingénieur du son et guitariste. Dites-moi, Raskolnikov, aujourd'hui, ça a une consonance, comment dire, russophone. Pourquoi Raskolnikov? Qui a eu l'idée? Quelle est l'origine de ce nom de groupe? Jérôme, Mathieu? C'est Mathieu pour ça. Alors, on écoute à nouveau Mathieu qui nous explique pourquoi Raskolnikov s'appelle aujourd'hui Raskolnikov. Pardon. D'ailleurs, je rajoute que dans iTunes, on ne trouve pas Raskolnikov puisque vous apparaissez avec l'écriture cyrillique. Oui. On a eu des difficultés. J'ai eu des difficultés pour trouver vos albums sur iTunes parce que l'écriture cyrillique, je ne la maîtrise pas. Donc, pourquoi Raskolnikov et pourquoi on la trouve sur les plateformes aujourd'hui en écriture cyrillique? Cyrillique, on dit comme ça. Hein. Alors ça doit être c'est une erreur qu'on n'a pas encore réparée. Mais normalement, on est quand même sur iTunes en écriture latine. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs groupes Raskolnikov. Il y a un groupe néerlandais, enfin hongrois et néerlandais. Si je déconne pas, mais en tout cas néerlandais, oui, et qui s'appelle Rip Off Raskolnikov, mais qui fait plutôt du blues. Et des fois, on est confondu avec ce groupe. Donc, pourquoi on s'appelle Raskolnikov? Bon, bah, c'est tout con, hein, c'est juste le Crime et Châtiment m'a beaucoup plu quand je l'ai lu. C'était en 2015, j'étais tout seul, je me faisais un petit voyage. J'étais parti de Zurich, je suis monté à Hambourg, à Copenhague, jusqu'à Stockholm, et après de Stockholm, je suis parti en Pologne, j'ai fait le tour de la Pologne et je suis retourné en Suisse parce que les vacances étaient finies, il fallait se remettre à bosser. Et du coup, pendant ce voyage-là, j'avais lu Crime et Châtiment, ça m'avait vraiment bien travaillé. Et Raskolnikov, le personnage de Raskolnikov m'avait bien plu, parce que j'ai tué personne, hein, mais je m'étais pas mal identifié ce personnage tiré entre la folie, les questions morales. Donc c'était un thème qui m'avait bien plu. Après, de Crime et Châtiment, je me suis lu Les Frères Karamazov, L'Idiot, Le Joueur, Le Double. Et puis, j'ai pas lu que Dostoïevski, j'ai lu aussi d'autres auteurs russes, mais pas que du russe, j'ai lu du français aussi, de l'allemand, du... Donc c'est Raskolnikov, mais il y a d'autres influences dans ce qu'on raconte ou dans ce qui peut nous... Voilà. Mais ça m'a fait... Je trouve que ça passe bien comme nom. Ça sonnait bien. Des fois on nous demande... alors c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Parfois on dit ça se retient bien, ou alors ça se retient pas du tout. Il y a jusqu'aujourd'hui, il y a peut-être que deux personnes qui nous ont demandé de changer de nom. Bon, quand seulement deux personnes te demandent de changer de nom, bon, tu ne fais pas attention. Question suivante, moi qui concerne un petit peu ce qu'on appelle en France le statut d'intermittent. Alors c'est en même temps que... Alors je sais que vous n'êtes pas des intermittents du spectacle, mais moi j'aime bien parler quand même de ces intermittents du spectacle, parce que c'est ce que j'appelle moi une exception culturelle française, qui je crois est un petit peu enviée, qui est bonne. Hein. On a rencontré il n'y a pas très longtemps d'autres intermittents qui nous disaient que ce statut risquait de disparaître. Donc je sais que vous n'êtes pas intermittent du spectacle, donc la question suivante c'est d'abord, est-ce que ce statut d'intermittent vous paraît riche, intéressant? Est-ce que vous aimeriez pouvoir en profiter? Et comme vous n'en profitez pas, je le sais, quelles sont vos activités professionnelles qui font rentrer ou qui mettent du beurre sur les épinards, comme on dit en France? Donc, on va commencer peut-être par Jérôme, qui va nous expliquer ce qu'il fait dans la vie, professionnellement. Jérôme? Voilà. Bon, en fait, moi, je suis facteur. Comme ça, on est directement dans le truc. Dans la ville de Bienne, en fait. Et puis en fait, je suis en Suisse, exactement, à Bienne en Suisse, dans le canton de Berne. C'est une ville bilingue en fait. Et puis, je suis pas à 100%, du coup, ce qui me permet d'avoir un peu de temps pour travailler la musique, tout simplement. En effet, en Suisse, il n'y a pas le statut d'intermittence, ce qui est un peu dommage, parce que ça permettrait de nous donner plus de temps. À consacrer à nos projets musicaux, bah Raskolnikov ou à d'autres projets, ou que ce serait même par exemple pour d'autres artistes, ça permettrait d'avoir du temps et puis de pouvoir en vivre. Je sais que ça existe, il y a une similitude de ce que j'ai entendu à confirmer pour le théâtre en Suisse, ou sinon j'ai entendu dire qu'on pouvait demander l'intermittence française. Mais si tu travailles en France, ou que ta première date elle soit en France, ou que ta dernière, ou sinon tu dois acheter ta date. Mais ça a l'air d'être un truc méga compliqué. Donc, personnellement, je m'y risquerais pas. Puis vu la différence du coût de la vie, est-ce que ça vaudrait le coup d'habiter en Suisse avec une intermittence française? Je ne pense pas, du coup, malheureusement. Mais voilà, du coup, je travaille à la poste à temps partiel. Voilà. Merci, Raime, your job? You can explain, please? Yes. So I'm happy that I can work at least tangentially with music, because I'm a sound engineer by choice, actually, because I didn't study for it, and I at some point in my life decided that I was going to be much happier doing something that had to do with music than still working on a marketing department. So yeah, I'm happy that that music was it's a part of my daily diet, almost work wise. So I cannot really complain. It's a hard job, and has many problems, but I'm very happy about it. Donc Raimé disait, oui, justement, la musique, vit de la musique parce qu'il est en tant qu'ingénieur son. Donc là, jusqu'à présent, il travaillait au théâtre de Constance en tant qu'ingénieur son. Et là, il part pour travailler pour le théâtre de Bâle. Et pas seulement un théâtre, mais c'est aussi une salle de concert. It's also... C'est un centre culturel, enfin, Kulturzentrum... comme on dit en allemand, et donc il y a du théâtre, il y a des concerts de rock, même pas seulement de rock, il y a des concerts, il y a du théâtre, et donc justement il va avoir pas mal de boulot là-dessus, c'est ce qu'il fait vivre, et c'était pas forcément ce qu'il a étudié, donc c'était pas forcément mais il est très heureux justement de vivre dans le monde du spectacle. Mais c'est vrai que Raskolnikov, ça nous fait pas vivre, parce que bon, ben on est peut-être aussi dans une scène très très très underground. Déjà, le rock est devenu très underground, alors on est dans une scène du rock, on fait partie d'une scène du rock qui est déjà elle-même très underground, quoi. La wave, bon, c'est pas non plus tout le rock, et c'est pas ce qu'on écoute dans les salles de musique actuelles. Ou alors il y en a un peu, bon, ben, en France il y a quand même 2-3 groupes professionnalisés, mais on est très peu nombreux. Donc moi pareil, hein, je travaille à côté, à temps partiel également, je fais de la traduction pour un bureau d'études et aussi pour un donc pour une petite société, pour une PME en fait. Donc je fais de la traduction pour le bureau d'études et pour le service marketing. Donc je pars de l'allemand, je vais vers l'italien, l'anglais, le français, le polonais. La musique, ça a toujours été une passion. J'ai jamais. Tu peux rêver de te professionnaliser, mais ça n'a jamais été pour moi un but. Faire de la musique, oui, mais en vivre, non. Enfin, je me suis dit que non, c'est pas. Enfin, c'est assez compliqué. Hein, tu... Et puis bon. Même pour avoir le statut d'intermittent du spectacle en France, pour les artistes qui arrivent en vivre, il faut déjà avoir une certaine notoriété. Une notoriété qu'on n'a pas déjà. Et bon, quand on est en Allemagne ou en Suisse, c'est plutôt, pour les artistes professionnels, c'est plutôt un statut d'indépendant. Et c'est assez casse-gueule, c'est dangereux, c'est assez précaire. C'est pour ça que la plupart des artistes indépendants ou des artistes underground je dirais que 90% bossent à côté. Ouais. Et oui, justement, le statut d'intermittent, le statut français, oui, est très envié en Allemagne, en Italie ou en Suisse, enfin partout. Enfin, c'est un statut qui est très particulier, qui est vraiment propre. Enfin, c'est vrai, il n'y a qu'en France qu'il y a le statut d'intermittent. Et oui, c'est, alors c'est sûr, t'es pas riche, hein, mais tu arrives à vivre de ce que tu fais. C'est génial. Et c'est vrai que c'est un statut qui est menacé depuis une bonne vingtaine d'années, parce que ça, on entend ça depuis un moment, quoi. Hola, soy Jaime de Raskolnikov y están escuchando Pop and Rock en el 104.6 de la RBR, los hijos pequeños del rock. We'll be right back. question aussi, Quintarot, c'est que là, j'ai face à moi un Français, un Suisse, un Espagnol. Il y a un autre Espagnol, Pablo, hein, qui n'est pas là. Donc l'idée, c'est comment fonctionne Raskolnikov au niveau de la création des morceaux, au niveau des répétitions, au niveau le fonctionnement tout court. Comment fonctionnez-vous pour vous retrouver, puisque entre la Suisse, l'Espagne, Paris et l'Allemagne, il faut sanctuariser, j'imagine, des temps. Comment fonctionnez-vous d'abord pour la création? Donc là, en ce moment, on traduit pour Jaime, qui ne parle pas du tout le français. Je suis méchant. Il parle une poquito française. Alors, qui est-ce qui veut commencer à parler de du processus de création? Je ne sais pas, le principe, un morceau. Il y a un morceau. Qui est-ce qui propose? Est-ce qu'il y a une ligne de basse qui arrive? Est-ce qu'il y a un air qui arrive? Est-ce qu'il y a la batterie qui rentre en jeu à quel moment? Donc, Jérôme, qui joue de la batterie, commence à nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Allez, Jérôme, merci. En fait, Mathieu a... Comment dire, genre, je veux dire ça comme ça, une sorte de, une chier d'idée en fait, il a une chier d'idée de Dieu. Et là, on va dire qu'un petit catalogue, enfin il a pas mal de petites démos comme ça en fait, puis il me les envoie, puis de lignes de basse, de lignes de guitare, des fois avec des boucles de batterie préprogrammées. Puis en fait, moi je m'amuse à des fois un peu structurer tout ça, des fois c'est déjà structuré, puis en fait je rajoute mes batteries, je rajoute des synthés, des fois on s'engueule parce que j'en fous trop. Puis je sors du truc. Non, mais en fait, généralement il apporte une idée, puis moi je m'amuse dessus en fait, généralement. Je fais pas mal d'arrangements, je modifie des structures, on réenregistre des guitares. Par la suite, pardon, ouais, vas-y. Et sur ces temps-là, c'est des allers-retours de fichiers, puisque vous n'habitez pas du tout dans le même coin. Donc, c'est des échanges. Il t'envoie un fichier musical, tu le retouches, tu lui retournes ensuite. Voilà, ouais, alors ça fonctionne comme ça. Puis, ou sinon, de temps en temps, on se fait des sessions. Ou soit, bah là, par exemple, pour le dernier album, en janvier, on s'est retrouvé une semaine. C'était où déjà? En Haute-Saône, voilà. Dans un studio, on a travaillé sur 7 titres, c'est ça, si je me trompe pas. On a fait 7-8 titres. 7-8 titres. Où justement, il y avait déjà des pré-démos qu'on avait déjà un peu bricolés. Et puis là, on a fait une sorte d'update, on les a remis un peu à jour pour sortir des démos un peu plus couillus, quoi. Un peu plus cossus, je sais pas si couillus ça se dit à la radio. Moi, je dis du couillus à la radio. Dans Pop and Rock, on peut dire couillus. Ah, sans balèque, d'accord, c'est bon. non, alors ça va. Et puis en fait, maintenant, justement, entre-temps, il y a Jaime qui est arrivé. Et puis, du coup, il a reçu aussi tous les dossiers, tous les projets, en fait. Puis lui a amené aussi des idées. Il a restructuré les morceaux qu'on a déjà retravaillé pour donner une idée en plus. Puis a amené ses guitares, en fait. Généralement, ouais, c'est beaucoup de transferts de fichiers, puis après de concertation. Puis on se voit, on discute. Voilà, pas mal de logistique. Voilà. Bonsoir, c'est Mathieu de Raskolnikov. Nous sommes dans la Renault 10 de Linda et Eric. Vous écoutez Pop and Rock, les petits enfants du rock, sur RVR. Bon, maintenant attaquons les choses sérieuses. Il est temps de parler de Albert Roche. Arthur. Je recommence. Bon, Arthur. Pas changé. Est-ce que je le garde ça? Je pense que ça, je vais le garder. Hein. Donc voilà, alors c'est pas du tout Arthur Roche, parce qu'Arthur, c'est plutôt Perceval, la quête du Graal. Donc je reprends ma question. Bon, Raskolnikov, il est temps de parler de Albert Roche. C'est qui cet Albert Roche? Et pourquoi est-ce le seul titre écrit, le titre en français pour une chanson en anglais? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de parler de Albert Roche, qui est un militaire assez fou furieux de l'armée française, je crois, du début du XXe siècle? C'est Mathieu qui répond, je pense, là. Allez, Mathieu, on t'écoute. Alors, pour remettre dans le contexte, on était, justement, on s'était rencontrés, enfin, on s'était fait 2-3 jours, 4 jours même, avec Pablo et Jérôme, du côté de Reims. Et je suis un peu, je regarde les vidéos d'un autre champenois, parce que je viens de Champagne, mais un Troyen du coup, donc un champenois de Troyes, moi je suis un champenois de Reims, c'est un historien et un prof d'histoire, donc il s'appelle Julien Hervieux, mais qui s'appelle, enfin son pseudonyme est Odieux Connard. et qui fait des vidéos quand même sympathiques sur des héros de l'histoire méconnus, enfin, ou alors, qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et il avait fait une vidéo sur Albert Roche, et en fait on avait regardé cette vidéo en plein dans cette semaine où on travaillait ensemble pour faire de la musique. Et justement cette vidéo nous avait pas mal plu, donc justement c'était la biographie, bon, bah, avec beaucoup d'humour d'Albert Roche. Donc en fait c'est un anti-héros, quoi, parce que c'était, donc apparemment c'était un petit gars tout sec, qui était pas fait pour la guerre, mais qui s'est qui a été volontaire en 14 ou en 15 dans un régiment de chasseurs. Donc il venait pas d'Ardèche, mais ou de la Drôme, je pense. Vous me corrigerez si je raconte une connerie, parce que justement on reparlera aussi de la vidéo qu'on a faite, parce qu'en fait on s'est inspiré, j'en parle après, parce qu'on avait eu pas mal de commentaires aussi où on s'était fait un peu ça va, enfin de toute façon c'est YouTube, hein, tu prends toujours des commentaires plus ou moins c'est discutable, bon, bref. La biographie d'Albert Roche nous avait beaucoup plu. Donc c'était un petit gars qui a fait malgré lui, ou alors qui était peut-être assez fou, pour aller chercher des gars de l'autre côté ou pour faire des prisonniers, mais par hasard. Et qui a failli se faire fusiller parce qu'il est allé chercher un lieutenant dans le No Man's Land de nuit, et un gars qui était blessé, donc son supérieur hiérarchique. Donc apparemment il se serait endormi dans la nuit, les gars étaient crevés, et entre temps il y avait des relèves, et donc les gars qui l'ont chopé au petit matin ne le connaissaient pas. Donc il a failli être fusillé, parce qu'à l'époque c'était en 17, pas loin du chemin des Dames. On te chopait dans le No Man's Land, t'étais déclaré déserteur et t'étais fusillé dans la journée, quoi. Et donc en fait apparemment au dernier moment il a été reconnu, c'est un gars à nous, il allait chercher le lieutenant, il déserte pas, quoi. Eh bien écoutez, on va ficher la paix à Arthur et on va foncer avec Albert Roche, avec un titre, mon titre préféré de Raskolnikov. On écoute Faut pas faire chier Albert Roche. Notre pop and rock consacré à l'interview des Raskolnikov touche à sa fin, mais je crois bien qu'il me reste encore plus de 20 minutes d'interview avec eux, donc on va se retrouver d'ici quelques semaines sur un deuxième volume des interviews de l'interview de Raskolnikov. On va se quitter à présent avec un dernier titre, et moi je vous dis sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Would have liked to make them yours.